Okay, du kannst vielleicht kurz. Das Königreich von Jesus Christus, da geht es mehr um Vorsorge als Nachsorge. Dans le royaume du Christ, il s'agit beaucoup de la précaution que la. Moment. Amen. His kingdom is more of prevention than cure. Sein Königreich, da geht es mehr um Vorsorge als Nachsorge. Et dans le royaume du Sud, il s'agit beaucoup de précaution que la soin post-opératoire. More of blessing than miracles. Mehr Segen, es geht um Segen und nicht um Wunder. Il s'agit de la bénédiction au lieu que du miracle. Amen. Mm-hmm. And that is why the Lord says, seek me early. Deswegen sagt der Herr, sucht mich früh und dann werdet ihr mich auch finden. C'est ça, Dieu dit, cherchez-moi avant et vous allez me rencontrer, me trouver. You get it. Mm-hmm. You seek him early. Du suchst ihn früh. And not when it is late or almost late. You seek him early. Have relationship with him. Your relationship with him is your protection. Weil deine Beziehung mit ihm ist dein Schutz. Et c'est très important de chercher Dieu avant des problèmes parce que ta relation avec Dieu c'est une protection. You get it. Your relationship with Christ is your security. It's your Versicherung. Parce que ta relation avec Jésus-Christ c'est ta sécurité, c'est comme assurance. Yeah. Your relationship with him, love relationship, prevent problems. And not when problem come down, then you are now looking for him. Seek me early. Deine Beziehung mit Jesus Christus verhindert Probleme. Et ta relation avec Jésus Christ arrête les problèmes. Praise the Lord. Amen. And his blessing is our protection. Und sein Segen ist unser Schutz. Et sa bénédiction est notre protection. Amen. Amen. He protects us from, let me call it, miracles. Es schützt uns vor Wundern. As Christ's blessing protects us from miracles. Der Segen des Herrn beschützt uns vor den Wundern. Et la bénédiction de Dieu, ça nous protège de miracles. What religion and what man and religion call miracles? Was der Mensch Wunder nennt, was you get it? Religion Wunder nennt. C'est que l'homme et la religion appellent miracles. You know, to pray for miracle, it means you are in problem. Wenn du um ein Wunder bittest, dann heißt es, du ein Problem steckst. Parce que quand tu pries pour les miracles, ça veut dire que tu as un problème. The blessing of the Lord prevent you, protect you from those problems. Amen. So that you will not even need any miracle. Der Segen des Herrn schützt uns vor diesen Problemen, damit wir gar nicht so ein Wunder brauchen, um frei zu werden. Et la bénédiction de Dieu, ça nous protège pour qu'on n'a pas besoin de miracles. Obeying the voice of Christ is always our protection. Der Stimme von Christus gehorchen ist immer unser Schutz. Et obéir à la voix de Jésus-Christ, c'est toujours notre protection. Amen. Amen. That's why I say obedience is better than sacrifice. Deswegen ist Gehorsam besser als Opfergabe. C'est ça pourquoi l'obéissance est plus important que la sacrifice. Amen. Amen. It protects you from what man and religion call fasting. Es beschützt uns vor dem, was der Mensch Religion Fasten nennt. Et ça nous protège de ce que la religion ou bien l'homme appelle gêné. Amen. Amen. You know, obeying the voice of Christ protect you from what man and religion call fasting and prayer. Der Stimme von Jesus Christus gehorchen beschützt uns vor dem, was der Mensch und die Religion Fasten nennt. Obéir à la voix de Jésus-Christ, ça nous protège de la gêne, ce que l'homme et la religion appellent gêne. You know, once you see them fast, you know they have problems. Weil die Welt oder die Religion, wenn sie beten, ist es, weil es ein Problem gibt. Parce que quand la religion gêne, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce Amen. Mm-hmm. Obeying Christ's voice will prevent you from those problems that you will not even need those fasting. Aber der Stimme von Jesus Christus gehorchen wird dafür sorgen, dass du dieses Fasten gar nicht brauchst. Mais obéir à la voix de Jésus Christ, ça va te protéger que tu n'as pas besoin de jeûner pour des problèmes. Praise the Lord. Hallelujah. You know, fasting, because fasting is a sacrifice. Weil das Fasten eine Opfergabe ist. Parce que jeûner, c'est une sacrifice. Christ's sacrifice is enough for us. Aber das Opfer von Christus ist genug für uns. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ, ça suffit pour nous. Jesus Christ is the sacrificial lamb. Jesus Christ is the sacrificial lamb. And not you. Und nicht du. Et c'est Jésus-Christ qui est notre agneau, qui est notre sacrifice. Amen. Praise the Lord. Amen. Knowing the truth is what Christ called. Let me put it this way. Knowing, to know the truth. Die Wahrheit zu kennen. Connaître la vérité. What Christ called the truth. Dass Christus die Wahrheit. Ce que Jésus-Christ appelle la vérité. And obey it. Und ihr gehorchen. Et de l'obéir. And that is the voice of the true God. Und das ist die Stimme des wahrhaften Gottes. I hope you understand what I just said. Et c'est ça la voix du vrai Dieu. Amen. Amen. That is the voice of the true God. Das ist die Stimme des wahrhaften Gottes. C'est ça la voix du vrai Dieu aujourd'hui. The voice of the true God to us. Die Stimme des wahrhaften Gottes für uns. Et la voix de Jésus-Christ aujourd'hui. You know, people want to hear the voice of God. Leute wollen die Stimme Gottes hören. Et les gens veulent écouter la voix de Dieu. In whatever decision they want to take. Jede Entscheidung, die sie treffen. Dans toute décision ils veulent prendre. The voice of Christ, the voice of the true God to you is knowing the truth and obeying the truth. Aber die Stimme des wahrhaften Gottes an dich ist die Wahrheit kennen und dieser Wahrheit gehorchen. Et tu vas connaître la voix de Dieu quand tu obéis à la parole de, à la vérité de Dieu et quand tu, tu agis aussi à la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. To really know Christ as the truth is the true victory. Christus als die Wahrheit zu erkennen, ist der wahre Erfolg. Et de connaître Jésus-Christ comme la vérité, c'est ça la vraie victoire. Amen. Amen. You know where when the Jews they could not be no no they did not believe in. Als die Juden nicht geglaubt haben. The Pharisees. Et quand les Juifs n'ont pas cru Jésus-Christ. Les Pharisiens. Les Pharisiens. He did not tell them fast and pray. Er hat nicht gesagt fastet und betet. Et Jésus-Christ n'a pas dit jeûnez et priez. And even his disciples, he did not tell his disciples go and fast and pray so that you can believe me. Er hat seinen Jüngern nicht gesagt. Because some, fasten. I heard some want to, they want to, they said they are fasting and pray so that they are able to believe Christ. It's not fasting and prayer. It's not, let me put it this way. It's not fasting that make you believe Christ. Faith comes by hearing the truth. The truth you hear is what will make you to believe him. Fasten wird nicht dafür sorgen, dass du Jesus glaubst, sondern die Wahrheit, die du hörst, wird dazu sorgen, dass du Jesus glaubst. Que tu jeûnes, ça ne va pas t'amener vers Jésus-Christ, mais ça ne va pas t'aider à croire à Jésus-Christ. C'est quand tu... It's not the message, but I just want to go to God. Tu crois... Romans 10. Quand tu écoutes la vérité, tu attends la vérité, c'est là où tu as la foi. Praise the Lord. Amen. Romans 10. Romains 10. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. From verse 11. Römer 10, Vers 11. Roman 10, Vers 11. Oh, let me see. Okay, let's start from verse 8. 8. Verse 8. It said, but what said it? The word is nigh thee, even in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. That if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus and shalt believe in your heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Amen. Is somebody getting something? Mm-hmm. On vient de lire Romains 10, versets 8 à 9. Amen. Amen. Then verse 10. He said, verset 10. For with the heart man believeth unto righteousness, and with your mouth confession is made unto salvation. For the scripture said, whosoever believe on him shall not be ashamed. Amen. That's a very good place. Amen. Amen. Those of you that believe on Christ, those of us that believe in Jesus. Die Leute, die an Jesus Christus glauben, keine Scham, keine Schande. Amen. Amen. Celui qui croit en Jésus-Christ, il ne sera pas déçu, il n'aura pas aussi honte. If you really understand here, walking with Christ, there is no shame. Wenn du das wirklich verstehst, dann, wenn wir mit Christus wandeln, gibt es keine Scham. Et quand tu le comprends, tu n'auras pas aussi honte de marcher avec Jésus. Because he never disappoints. Weil er enttäuscht nicht. Il est incapable de never disappoint anybody. Er enttäuscht niemanden. Il ne déçoit personne. And you will not be the first. Du wirst nicht die erste Person sein. Et tu ne seras pas la première personne. He has never done it and you will not be the first. Er hat es niemals getan und du wirst nicht die erste Person sein, die er enttäuscht. Il a jamais déçu, puis tu vas pas aussi être le premier qui est déçu. Verse 12. For there is no difference between the Jews and the Greeks. For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Verse 13. 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Praise the Lord. Hallelujah. Verse 15. Verse 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Verse 16. Verse 16. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah said, Lord, who have believed our report? Verse 17. He said, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Faith, you have faith by hearing the truth, the gospel of Christ. Glauben, indem du der Wahrheit, the truth. Amen. Verse 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on écoute. The word of God that you hear is not Moses. Das Wort von Gott, das Wort Gottes, was du hörst, ist nicht Mose. It's not Moses' word. It's Christ's word. Das Wort von Christus. Et la nouvelle proclamée que tu écoutes, ce n'est pas la nouvelle de Moïse, mais c'est de Jésus-Christ. There is no salvation. There is no salvation anywhere today because people have been hearing the word of Moses. Nirgendwo ist Errettung, weil Leute das Wort von Mose gehört haben. Parce que les gens ont Parce que les gens ont écouté la nouvelle de Moïse à travers les 10 commandements, il n'y a pas le salut aujourd'hui. Amen. Les 10 Gebote sont überall. Il y a des 10 commandements partout. Amen. Amen. Everybody knows the 10 commandments and all other commandments, but they don't know Christ. Jeder kennt die 10 Gebote, aber sie kennen Christus nicht, das Wort von Christus. Et tout le monde connaît les 10 commandements et les autres commandements, mais personne connaît le commandement de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It is not that we are against Moses. We are not against Moses. We know he's with the Lord right now. Wir wissen, dass er beim Herrn ist, dass er im Himmel ist. Et quand on dit cela, ça veut dire pas que nous sommes contre Moïse parce qu'on sait qu'il est avec Dieu maintenant. But we are in another period, different period, different from the period that he was here. Gehören zu einer anderen Zeit, eine Zeit, die anders ist als seine Zeit. Mais on dit cela parce que nous sommes dans une autre période et la période c'est de Jésus-Christ. His period is over. Seine Zeit ist vorbei. Et la période de Moïse c'est fini. We now have the period of Christ. Wir haben jetzt die Zeit von Christus. Nous avons la période de Jésus-Christ. Amen. Amen. We are the only place you can be saved is through Christ. Wo man nur durch Christus errettet sein kann. Et tu peux seulement être sauvé par Jésus-Christ. Amen. Amen. Christ fulfilled his period. He's fulfilled Moses' laws. Das Gesetz von Mose. Et Jésus-Christ a accompli les commandements de Moïse. Amen. For us, he fulfilled all for us. Er hat alles für uns erfüllt. Il a tout accompli pour nous. That is why his period is over. Deswegen seine Zeit vorbei. C'est pourquoi son période est finie. Amen. Because his period has been fulfilled by Christ. Und seine Zeit wurde erfüllt durch Christus. Et la période de Moïse a été accompli par Jésus-Christ. And no one should go there any longer. Und niemand sollte das dort wieder dorthin gehen. Et personne doit peut retourner. Verse, you can see all churches today, almost all churches, they are full of the gospel of Moses. Fast alle Gemeinden sind voll von dem Evangelium von Mose und nicht dem Evangelium von Jesus Christus. Mais la majorité des églises sont pleines des commandements de Moïse. Because the gospel of Christ takes the Holy Ghost to get it. Denn für das Evangelium von Christus braucht man Heiligen Geist, um es zu verstehen. Parce que tu as besoin du Saint-Esprit pour comprendre l'Évangile. The gospel of Moses, you don't need any Holy Ghost to understand it. Mais pour l'évangile de Moïse, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour le comprendre parce que tout le monde est capable à le comprendre. That of Moses is of the flesh. That of Christ is of the spirit. Das von Christus vom Geist. Parce que les paroles de Moïse sont de la chair, mais les paroles de Jésus-Christ sont de l'esprit. That's why the Holy Ghost is so important. This time. Deswegen ist der Heilige Geist so wichtig. Et c'est ça pourquoi le Saint-Esprit est très important. Amen. Amen. Invite him always. Lade ihn immer wieder ein. Invite-lui toujours. Be aware of him always. Seid ihm bewusst. Sois conscient de lui. Be full of him always. Sei immer voll von ihm. Sois rempli de lui. Remember him always. Erinnere dich immer an ihn. Rappelle-toi de lui. Amen. Amen. Always engage him. Hab ihn immer wieder vor Augen. Et oui, sois toujours concentré sur lui. Amen. Amen. He is a gentleman. Er ist höflich. He loves invitation. Und er liebt Einladungen. Le Saint-Esprit aime être invité. Praise the Lord. Amen. Today we will still go into our message, which is we walk by Christ's principles. Heute geht es weiter mit not by this world's sentiment. Der Botschaft, dass wir nach den Prinzipien von Jesus Christus leben. Und nicht nach der Sentimentalität dieser Welt. Et aujourd'hui, on va continuer avec le message qu'il s'agit de du principe de Jésus-Christ et pas le sentiment de ce monde. Learn to listen to the voice of Christ and obey it. Lerne der Stimme von Jesus Christus zu gehorchen, sie zu hören und ihr zu gehorchen. Et apprendre d'obéir à la voix de Jésus-Christ et à agir aussi à travers la voix de Jésus-Christ. And not any man's voice. Und nicht der Stimme von Menschen. Et pas par la voix de l'homme. Amen. Amen. You know, we have gone through people that, you know, some people that, you know, they are listening to the flesh. Somebody like King Saul. Wir haben uns Leute angeguckt, die auf das Fleisch gehört haben, beispielsweise König Saul. Let's go to 1 Samuel. Erster Samuel. Nous avons lu par exemple nous avons lu l'histoire de du roi Saül qui l'a obéi à la chair. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. From verse 5. Verset 5. Praise the Lord. Amen. You know, if you read here, you see that there was King Saul was having a problem. Wir sehen hier, dass König Saul ein Problem hatte. Ici, on voit que Saül avait un problème. Amen. From verse 5, and the Philistines gathered themselves together to fight with Israel, 30,000 chariots and 6,000 horsemen, and people as the sand which is on the seashore in multitude. And they came up and pitched in Michmash, eastward from Beth Aven. Verse 6. When the men of Israel saw that they were in a strait, for the people were distressed, then the people did hide themselves in caves and in thickets and in rocks and in high places and in pits. And some of the Hebrews went over Jordan to the land of Gad and Gilead. As for Saul, he was yet in Giga, and all the people followed him trembling. They were afraid of the Philistines. Sie hatten Angst vor den Philistern. Ils avaient peur de Philistins. You know, they were afraid of, you know, you can see the quantity. The Philistines, they have a lot of soldiers, a lot of people, a lot of weapons to use to fight. Man hat die, we are more than the Israelites. Amen. Die Masse der Philister gesehen, so viele Männer, so viele Waffen und Streitwagen, die sie hatten. Sie waren zahlreicher als die Israeliten. Et dans la chair, les Philistins étaient beaucoup de gens, ils avaient beaucoup de soldats, des armes, et ils étaient bien préparés pour la guerre. Et le peuple d'Israël n'avait pas beaucoup de soldats du tout. And the children of Israel, they were afraid of the Philistines. Und die Kinder Israels hatten Angst vor den Philistern. Et, les enfants d'Israël avaient peur des Philistins. You know, these Philistines today means the problem in your life. Und diese Philister sind sozusagen ein Sinnbild für die Probleme in deinem Leben sein. Et les Philistins sont symboliques pour tes problèmes dans ta vie. And you can be seen as so big. Und siehst es als so groß an, so mächtig. And bigger than everything. Größer als alles andere. Et ce problème, tu le vois comme si c'est plus grand, plus que tout le monde. And to solve it, you can even see that it's almost impossible because you don't even have the strength, the weapon, everything to solve it. Unmöglich, dieses Problem zu lösen, du hast nicht die Kraft oder die Waffen. Et pour toi, tu penses que c'est presque impossible de résoudre tes problèmes parce que tu n'as pas des armes ou bien oui, des armes pour résoudre tes problèmes. And sometimes you study and study and study and it's, you know, you study and then the exam comes, the result you are, you say, hey, what happened? And you continue and you continue. You know, whatever is before you is not bigger than your daddy. Amen. Und manchmal lernst du und du lernst und es wird immer noch nichts und dennoch, und du fängst an, alles zu hinterfragen. Aber der Herr sagt ganz klar, das, was immer vor uns ist, ist nicht größer als unser Vater. Et parfois, tu es en train d'étudier, mais de lire en général, et puis tu n'arrives pas à avoir de bonnes notes, mais tu dois savoir que ton Dieu est plus grand que tes problèmes. What he wants for you is to obey his voice. Was er für uns will, ist, dass wir seiner Stimme gehorchen. Mais Dieu veut que tu obéis à sa voix. Don't do things in panic. Tu nichts in Panik. Et ne fais pas des choses à cause de panique. Don't allow whatever is outside there to threaten you. Lass nicht zu, dass das Äußere dich bedroht. Et n'aie pas peur que tu sois traité par... Ne permets pas que l'extérieur te menace. Wenn du dich in diese Lage hier versetzt. Ich habe den Punkt gerade vergessen, wenn du geredet hast. Was hat sie gesagt? Versetze dich in diese Lage. Et tu dois te mettre à la place. Yeah, you know, you put yourself in the position that the Israelite is. Because you know, you can see the problem so big. What is fighting you or what you are fighting with? And it's as if there is no solution to it. It's as if that problem is bigger than you. You get it. Du versetzt dich in die Lage der Israeliten, die auch vor einem scheinbar unbesiegbaren Feind standen, der zahlreicher und stärker als sie war. Et mets-toi à la place du peuple Israël qui ont aussi été devant les Philistins. Donc pour eux, les Philistins ont été un grand problème, mais ils avaient un grand Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Tell the people follow Saul trembling. Amen. That's verse 7. Then verse 8. Verset 7, maintenant 8. 8. And it tarried 7 days, according to the set time that Samuel had appointed. But Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. You know, the Lord gave you time. Wenn der Herr dir eine Zeit gibt, don't look at the time, you look at him. Schau mir nicht auf die Zeit, sondern auf den Herrn. Si Dieu te donne le temps, ne vois pas le temps, mais vois seulement Jésus-Christ. You know, Samuel, you know, if you look at King Saul was looking at the time and not the God and not the true God. König Saul hat auf die Zeit geschaut und nicht auf den wahrhaftigen Gott. Et le roi Saül s'est concentré sur le temps et pas sur Dieu. Don't look at how many times you have done any exam. Look at Jesus Christ. Fokussiere dich nicht darauf, wie oft du eine Prüfung schon abgelegt hast, sondern fokussiere dich auf Christus. Mais toi aussi, ne te concentre pas sur combien de fois tu as fait des examens, mais concentre-toi sur Jésus. Don't look at any age, any time. Schau nicht auf Alter oder auf Christ. Die Zeit. If not, you will grow into it in the flesh. Sonst wirst du Dinge im Fleisch handhaben. Et ne te concentre pas sur l'âge ou bien sur ton temps, sinon tu vas faire tout dans la chair. Amen. Amen. You know, 7 days appointed time has come, but Samuel was not there, and there was a panic. The king was now saying, "What are we going to do? Are we to keep on waiting? Will he even come at all?" What's the Lord promise? He never failed. Die 7 Tage waren und König Saul ist in Panik geraten. Hat sich gedacht, okay, was soll das jetzt? Er ist zu spät. Was wollen wir jetzt machen? Aber wenn der Herr spricht, dann bricht er sein Wort nicht. Et Saül a été paniqué parce que les 7 jours ont été déjà passés parce que Samuel n'était pas encore là. Mais Dieu est jamais en retard. Il est toujours. One of Christ. Alors. One of Christ's principles is continue to see him. Ein Prinzipien von Christus ist ihn weiterhin zu sehen. See Christ. Et un principe de Jésus-Christ est de voir Jésus-Christ lui-même. Regarde, you see, remind yourself of his word. Wir sehen, wie Christus, nehmen uns an sein Wort erinnern, das ständig. Et tu te concentres à Jésus-Christ par pensant, quand tu penses à sa parole. The greatest way is reminding yourself how he loves you. Und die beste Art und Weise, wie wir das tun, ist uns daran erinnern, wie sehr er uns liebt. Et la meilleure façon, c'est quand tu crois, tu penses à l'amour de Jésus-Christ envers toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If he died for you when you were a sinner, how much more now? Wenn er für dich gestorben ist, als du noch ein Sünder warst, wie viel mehr jetzt? Et quand il, quand tu étais encore un pécheur, il est mort pour toi et son amour a été toujours là pour toi. Maintenant, c'est aussi comme ça parce que tu es un fils. If his death can be your salvation, how much more his life? Wenn sein Tod deine Errettung ist, wie viel mehr sein Leben? Somebody get in it. Wenn sein Tod deine Errettung ist, wie viel mehr sein Leben? Et si sa mort est ta protection, bien ton salut, combien de plus sa vie? We believe life is greater than death. Wir glauben, dass das Leben größer ist als der Tod. Et nous, on pense très souvent que la vie est meilleure que la mort. If his life, if his death could do anything, you know, true is that we are saved. Durch how Tod much more true is life? Wurden wir errettet? Wie viel mehr durch sein we Leben? Have his life today. Wir haben jetzt das Leben von Jesus. Et à travers la mort de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Et combien de plus maintenant à travers de sa vie? Okay, one of his principles is obey his voice. Einer seiner Prinzipien ist seiner Stimme zu gehorchen. Et un principe est d'obéir à la voix de Jésus-Christ. Listen to his voice and obey his voice. Hör seiner Stimme zu und gehorche ihr. Amen. Et attends à la voix de Jésus-Christ et obéis aussi à la voix de Jésus-Christ. Verse 9, and success. Verset 9. Amen. Amen. Bring Peter a burnt offering to me, a peace offering, and he offered the burnt offering. Verse 10. 10. And it came to pass that as soon as he had made an end of offering the burnt offering, behold, Samuel came. And Saul went out to meet him, that he might salute him. Praise the Lord. Hallelujah. And Samuel said, if, aunt, what hast thou done? And Saul said, because I saw that the people were scattered. He was seeing the flesh and not the spirit. Er hat das Fleisch gesehen, nicht den Geist. Il a vu la chair au lieu l'esprit. What do you see? Was sehen wir? Qu'est-ce que tu vois? You see the people and not Christ. Siehst du die Leute oder Christus? Est-ce que tu vois Jésus-Christ ou bien les gens? You listen to what they are saying and not listen to what Jesus is saying. Hörst du dem, it's zu, from was us, sie sagen? It's for all of us. Oder was Jesus sagt. Es geht an uns alle. Est-ce que tu te concentres à ce que Jésus-Christ te dit, mais ce que l'homme te dit? Amen. Amen. You know, just know your distraction. All dieser Lärm ist Ablenkung. Parce que tous les bruits là sont des distractions. And Samuel said, what hast thou done? And Saul said, because I saw that the people were scattered from me. Papa, can you help us to read verse 11? And Samuel said, what hast thou done? And Saul said, because I saw that the people were scattered from me, and that thou comest not within the days appointed, and that the Philistines gathered to themselves together at Mishmash. Praise the Lord. Amen. You can see what King Saul was seeing. Wir können sehen, was König Saul gesehen hat. Et puis on peut voir ce que Saül a vu. Let us learn to see Christ. Lasst uns lernen, Christus zu sehen. On doit apprendre de voir Jésus Christ. Amen. Amen. Therefore said I, the Philistine will come down now upon me to Gilgal, and I have not made supplication unto the Lord. I forced myself therefore and offered the burnt offering. And Samuel said to Saul, thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord your God, which he commanded thee, for now would the Lord have established your kingdom upon Israel forever. But now, the kingdom shall not continue. The Lord has sought him a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. Praise the Lord. So now you can see that sentiment is so, you know, moving with sentiment is so evil. Ihr seht, dass mit Sentimentalität, geleitet zu sein von Sentimentalität, ist bösartig. Et l'histoire ici montre que c'est dangereux d'être guidé par tes sentiments. Amen. Amen. This king walked by sentiment, according to him. Dieser König hat nach Sentimentalität gehandelt. Et le roi ici, là, they were scattered. Nach den Menschen. Die Menschen haben sich zerstreut und er musste irgendwas tun. Et le roi ici était guidé par les sentiments à cause des gens. No matter, you know, the problem can even get bigger, but keep on listening to the voice of Christ. Das Problem kann größer sein, aber wir müssen dennoch der Stimme von Jesus Christus gehorchen. Et même si tes problèmes deviennent de plus en plus grands, tu dois continuer à obéir à la voix de Dieu. And remember, no problem is bigger than your father. Und erinnere dich daran, dass kein Problem größer als dein Vater ist. Amen. Et rappelle-toi qu'aucun problème est plus grand que ton père. Praise the Lord. One of, okay, let me say, put it this way again. Another of his principles is live off for Christ. Ein anderes Prinzip ist, von Christus zu leben. Oder alles von, nochmal. Live off. Achso, alles für Christus verlassen. Living off. Ein anderes Prinzip ist, de quitter tout pour Jésus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I will want us to go to a definition of principle, but before then, let me quickly talk about living all for Christ. Ich möchte noch darüber sprechen, was es bedeutet, alles für Christus zurückzulassen. Et maintenant, je vais parler de ce que ça veut dire de laisser ou quitter tout pour Jésus Christ. One of his principles is to live all for him. Einer seiner Prinzipien ist, alles für ihn zurückzulassen. Un principe, ça veut dire aussi de quitter tout pour Jésus Christ. Amen. Amen. Whatever you know, you. Since, you know, Peter said we left all. We left all. Why did we leave all? Why do we have to leave all? It's because of him. Petrus hat gesagt, dass wir alles verlassen müssen. Weshalb mussten wir alles verlassen? Wegen Jesus Christus. Et Pierre nous a dit que nous devons tout laisser. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'on doit le faire pour Jésus Christ. People leave things for one reason or the other. Leute verlassen Dinge für einen oder anderen Grund. Et les gens laissent les choses à cause... In raison, but the motif must be Christ. Aber das Motiv muss Christus sein. Le motif doit être Jésus Christ. I don't know if you are getting it. Amen. Amen. In Genesis 12. In 1. Mose 12. Genèse 12. God told Abraham, leave your country. God, let's go there. Sag Gott zu Abraham, verlasse dein Land. Leave your father's country. Verlasse das Land deines Vaters. À Genèse, Dieu dit à Abraham de quitter tout pour de quitter son pays. Pardon? La terre de tes pères. La terre de tes pères. Now, from verse 1. Let me just look. Okay, just verse 1 and 2. Amen. 1. Mose 12, 1 und 2. Genèse 12, verset 1 et 2. It said, now the Lord has said unto Abraham, get thee out of your country and from your kindred. You see there. Leave your country, leave your family. Lass deine Familie zurück. Il a dit, quitte ton pays, ta parenté et la maison. You know that you leave your family and choose Christ. It's no news. Dass du eine Familie zurücklässt und Jesus Christus wählst, ist nichts Neues. Et que tu quittes ta famille puis tu choisis Jésus Christ, c'est pas quelque chose nouveau. Without it, Christ cannot have you. Cannot have Christ. Ohne diese Entscheidung kann Christus dich nicht haben. Du kannst Christus nicht haben. Et sans cette décision, tu peux pas avoir Jésus Christ et Jésus Christ ne peut pas t'avoir. He said, leave your country. Get out of your country and from your kindred. Verlasse deine Verwandtschaft, verlasse dein Land. Il a dit, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. And from your father's house. And unto a land that I will show thee. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Get out. You know, just leave all for me. Übergebe mir alles. Give me all. Gib mir alles, sagt Jesus. Il a dit ici, donne-moi tout. Abraham left all. Abraham hat alles verlassen. Et Abraham a tout quitté. Amen. Amen. So also is Moses. Moses left all. So ist auch Mose, hat auch alles verlassen. Et c'est comme ça, c'est avec Moïse, il a tout quitté aussi. Without leaving all, you cannot have him and he cannot have you. Ohne alles zu verlassen kannst du ihn nicht haben, er kann dich nicht haben. Et sans quitter tout, Jésus-Christ ne peut pas t'avoir, puis toi tu ne peux pas avoir Jésus-Christ. You come to him as you are. Du kommst zu ihm, wie du bist. Tu viens chez lui comme tu es. And he will be the one to take off from you. Und er ist derjenige, der auf dich achten wird. Et c'est lui qui va prendre soin de toi. Amen. Amen. Since that are not is will be taken away from you. Und die Dinge, die nicht von ihm sind, werden von dir weggenommen. Et les choses qui ne viennent pas de Jésus-Christ, I'm talking about Jesus Christ. Amen. Amen. Ich spreche von Jesus Christus. Et je parle de Jésus-Christ. Once you come to him, wenn du zu ihm kommst, quand tu viens chez lui, whatever is not of the whatever is not is will be out. Was immer nicht von ihm ist, wird rausgenommen. Amen. Et tout ce qui ne vient pas de Jésus-Christ, ça va être séparé de toi, bien enlevé de toi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And as I come to him, you know, you are going to have a new family. So wenn wir zu ihm kommen, wir eine neue Familie. Et c'est ça, quand tu viens vers Jésus-Christ, tu auras une nouvelle famille. You know, he told Abraham, leave your family, the flesh. Er hat zu Abraham gesagt, lass deine Fleischfamilie zurück. Et puis il a même dit à la à Abraham, laisse ta famille. Praise the Lord. Hallelujah. If not, you cannot follow Christ. It's not possible. Sonst können wir Christus because nicht darkness folgen, and light can never walk together. Weil Dunkelheit und Licht nicht zusammengehen können. Sinon, tu ne peux pas aussi suivre Jésus-Christ parce que le ténèbre ne peut pas coopérer avec la lumière. You have to take decision. Wir müssen uns entscheiden. Tu dois prendre une décision. Amen. Amen. And don't keep on being in you know, two opinions. Und steh nicht immer zwischen den Stühlen. Et ne sois pas toujours entre deux opinions. Amen. You take decision to follow Christ. Du musst entscheiden. It doesn't matter what how it's going to be later. He's going to be Christ as far as you have chosen him. Amen. Und du musst entscheiden, it Jesus zu wählen. Und es ist egal, wie es später aussieht, weil egal, wie es aussehen wird, es wird Christus sein, wenn du dich heute für Christus entscheidest. Et toi, tu dois prendre la décision de suivre Jésus-Christ dans n'importe quelle situation et ne fais pas des soucis à cause de l'avenir parce que ton avenir sera Jésus-Christ lui-même. Don't allow anything in you know, the future to threaten you. How is future going to be? You have a big father. Dich bedroht, die Angst macht, denn du hast einen großen Vater, amen. Et n'aie pas peur de l'avenir parce que ton père est grand. If you look at Abraham, you know, if somebody is to be afraid, it should be Abraham. Wenn jemand Angst hat, leave everything and follow. And just go to a place. He promised Abraham a piece of land. Ein Stück Not Land. Not even a religion, a piece of land. Versprochen, nicht Religion, sondern ein Stück Land. Et si quelqu'un devait avoir peur, cela c'est Abraham, mais il n'avait pas peur parce que Dieu l'a dit, parce qu'il a fait confiance à Dieu quand Dieu l'a dit de tout quitter. You know, coming to Christ, you must be prepared. Um zu Christus zu kommen, müssen wir bereit sein, alles hinter uns zu lassen. Et pour suivre Jésus-Christ, tu dois être prêt à tout quitter. Leaving all is one of his principles. Alles zurückzulassen ist einer seiner Prinzipien. Parce que de tout quitter, c'est un principe de Jésus-Christ. And never to remember what you have left is also another of his principles. Und ein anderes Prinzip ist auch, your mind not to go there. Zu erinnern, die wir verlassen haben, dass unsere Gedanken nicht wieder dahin wandern. Et un principe est aussi de ne plus se rappeler de ton passé. Praise the Lord. Luke 14. You know, here is very, very popular for us. We read it. We are supposed to read it and read it until we can get it. Amen. Wir müssen schnell lesen und lesen, bis wir sie verstehen. Amen. Luke 14, verse 28-34. On doit toujours lire Lucas 14, 28-34. Amen. If Jesus said, leave all, Wenn Jesus sagt, verlasse alles, verlasse alles. Si Jésus te dit de tout quitter, tu dois aussi tout quitter. Whatever you refuse to leave, we take you away from him. Amen. Was immer wir uns weigern, für ihn zu verlassen, wird uns wieder von ihm nehmen. Et tout ce que tu refuses de laisser, c'est ça, ça va te t'écarter. You know, if you love something, give it to Jesus to keep for you. Wenn du etwas liebst, dann gib es Jesus, damit er darauf aufpasst. Si tu aimes quelque chose, donne ça à Jésus-Christ pour qu'il prend soin de ça, protège ça. You know how? Wie? Tu sais comment? You always choose Jesus and not that very thing. Indem du immer wieder Jesus wählst durch diese Sache. Et tu le fais quand tu choisis toujours Jésus-Christ, c'est pas pas la chose que tu as laissée. If you love your parents, you give them to Jesus to keep. Und wenn du deine Eltern liebst, dann gibst du sie Jesus, damit er auf sie aufpasst. Et si tu aimes tes parents, tu vas les laisser à la main de Jésus-Christ pour qu'il prenne soin de eux. How? It is not by obeying the voice of your parents, which is opposite the voice of Christ, but by choosing Christ, by obeying the voice of Jesus Christ, choosing Christ, no matter what. Indem du eben nicht der Stimme deiner Eltern gehorchst. How they are going to react? Nicht die Stimme von Jesus Christus ist, weil sie Jesus nicht haben, sondern indem du immer wieder Jesus Christus wählst, egal wie sie reagieren werden darauf. Et tu choisis tes parents quand tu écoutes ou bien tu obéis à la parole ou à la voix de Dieu et pas quand tu obéis à la voix de tes parents qui sont contre la vérité. Praise the Lord. Amen. It said, for which of you intended to build a tower? Seated not down first, and counted the cost, whether he have sufficient to finish it. He's talking about, it's about preparing your heart. Es geht darum, dein Herz zu vorzubereiten. Et ici, ça parle de préparer ton cœur. You must prepare to leave everything. Bereite dein Herz darauf vor, alles zu verlassen. Tu dois préparer ton cœur pour tout quitter. What can you not leave for Jesus? Was kannst du für Jesus nicht verlassen? Qu'est-ce que tu ne peux pas quitter pour Jesus? Is it money? Is it sex? Ist es Geld? Is it relationship? Verkehr? Ist es Beziehungen? That can't be bigger than Jesus Christ in your life. Was größer sein kann als Jesus Christus in deinem Leben. Qu'est-ce que tu peux pas quitter pour Jésus-Christ? Est-ce que c'est une relation, ou bien c'est le sexe, ou bien c'est quoi? Amen. Amen. Just name it. Amen. Jesus said, if you are going to any, you know, to a battle, you are going, you will be prepared. And that's why you are to be prepared to leave everything. Deswegen musst du bereit sein, alles hinter dir zu lassen. C'est ça quand tu fais quelque chose, tu dois être prêt parce que c'est comme une guerre, c'est ça, tu dois être prêt à tout quitter. Amen. Amen. You prepare your heart that Father, no matter what. Tu bereitest dein Herz vor, dass Vater egal was. I will, it is you alone forever. Amen. Du allein für immer. Amen. Et tu dois préparer ton cœur et puis dire à Jésus-Christ que dans n'importe quelle situation, tu vas toujours choisir Jésus-Christ. Amen. In front, he said in verse 29, you will start and I'll not be able to continue. Weil sonst passiert das, was 29 steht, dass du damit anfängst und es nicht vollenden kannst. Und das haben wir in dieser Gemeinde schon oft miterlebt. Amen. Sinon, la Bible nous dit que tu vas commencer de construire, mais tu vas pas être capable à achever le travail. Praise the Lord. Amen. Verse 29 says, "Live happily 29. After he has laid the foundation and is not able to finish it. All that behold it." Begin to mock him, saying, "This man began to build and was not able to finish." Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. You prepare your heart to live all for Christ. Du bereitest dein Herz vor, alles für Christus zu verlassen. Et c'est toi qui dois préparer ton cœur pour tout quitter pour Jésus-Christ. Don't allow anything to be bigger than him. Lass nicht zu, dass etwas größer ist als er. N'autorise pas que quelque chose soit plus grand que Jésus-Christ. Amen. Amen. Then another example said in verse 31. Or what thing? Verset 31. Going to make war against another king. Seated not down first. And consulted. Whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000, or else, where the other is yet a great way off, he sendeth an ambassador and desired conditions of peace. Verse 33. So likewise, whosoever he be of you that forsaking not all that he hath, he cannot be my disciple. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Again, whatever you refuse to leave. Was immer wir uns nicht loslassen können, que tu refuses will take laisser, you away from him. Wird uns von ihm wegnehmen. Ça va faire que tu abandonnes Jésus-Christ. Es ist eine Frage der Zeit. Et c'est une question de temps. Amen. Amen. A lot of things people refuse to let go. Viele Sachen können wir nicht loslassen. Et beaucoup de choses nous sommes pas capables à quitter. Let go the flesh. Lass das Fleisch los. Mais laisse la chair. Those relationships, let them go. Diese Beziehungen, lass sie los. Et toutes ces relations, si tu dois les laisser. Amen. That you know that they are not of Christ. Diese Beziehungen, von denen du weißt, dass sie nicht von Christus sind. Et tes relations qui ne sont pas de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. We are Christ here in this ministry. Wir sind Christus hier. Nous sommes le Christ ici dans cette église. You know, Paul calls people's name. Paulus hat he mentioned people's name in the Bible. Let's go to 2 Timothy 1. Namen genannt von bestimmten Leuten. So we will call name. Amen. Deswegen werden wir auch Namen nennen. Amen. Amen. 2 Timothy 1. 2 Timotheus 1. Et Paul, il a aussi mentionné les noms des gens comme exemple. C'est comme ça, on va le faire. On va lire maintenant 2 Timothée, un verset 15 jusqu'à la fin. 15 bis zum Ende. He said, this thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me, of whom are Phygellus and Hermogenes. Praise the Lord. Hallelujah. He said, these people, they left him. Diese Leute haben mich verlassen. Sie haben Paulus verlassen. Ici, le verset nous dit que Phygel et Hermogène ont quitté Paul. And so we are not surprised today. Sind wir nicht verwundert heute? Et c'est ça, nous sommes pas aussi surpris aujourd'hui. Amen. A lot left Jesus. Viele haben Jesus verlassen. Beaucoup ont quitté Jésus-Christ. They are still leaving him today. Sie verlassen ihn immer noch. Et puis ils quittent aussi Jésus-Christ aujourd'hui. Verse 16. It said, the Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft refreshed me, and was not ashamed of my chain. He was not ashamed of my chain. Er hat sich nicht geschämt. Going from Ketten. Prison to prison, he was not ashamed of it. Er hat sich geschämt, weil ich von Gefängnis zu Gefängnis gehen musste. Il n'a pas eu honte de Paul qui partait de prison en prison. Praise the Lord. Yeah. Amen. Yeah. It's not being, you know, Paul chose Christ. That's why he was going to from prison to prison. Paulus hat Jesus gewählt, deswegen ging er von Gefängnis zu Gefängnis. Et Paul, il a choisi Jésus-Christ, c'est pourquoi il était toujours en prison. Amen. Amen. It is not disobeying Christ and you are going to prison, and you don't want people to reject you. Es ist nicht Christus verweigern und du gehst deswegen von Gefängnis zu Gefängnis. Et c'est pas parce que tu abandonnes Jésus-Christ tu pars en prison, dans la prison. Do you get it? Praise the Lord. Hallelujah. He said he was not ashamed of my chain. Er hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Il n'avait pas honte de Paul. Amen. Amen. You know, some will land that they will disobey going for chain. You won't have any question. No. Okay. You know, some will go, they will disobey the voice of Christ. And they now land themselves in fornication and they are pregnant. And they are in one problem or the other. They are there. We want people to be with them inside. That's not what Paul is talking about here. Paulus spricht hier nicht von Leuten. But choose Christ and not ignore Christ. Ja, Paulus spricht hier nicht von Leuten, die beispielsweise ungehorsam leben, indem sie Unzucht getrieben haben und dann ein Kind gebären und dann Probleme haben und nicht wissen, wie sie über die Runden kommen und sich dann um Barmherzigkeit und Erquickung wünschen, sondern er spricht von Menschen, die verfolgt werden wegen Jesus Christus und deswegen auch leiden und deswegen dann Barmherzigkeit und Erquickung von anderen Geschwistern empfangen. Ici, Paul nous dit qu'on doit être là pour les gens qui choisissent Jésus-Christ et qui ont tout abandonné pour Jésus-Christ et pas pour les gens qui désobéissent à Jésus-Christ ou bien font la fornication et puis ont maintenant des problèmes à cause de cette désobéissance. Et puis Il cherche la grâce des gens pour être aidé. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you understand what I just said. Amen. Amen. Then in verse 7 he said, but when he was in Rome, that is talking about somebody that was there for him. Amen. 17. He sought me. He said, out very diligently and found me. Verse 18. 18. The Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day. And in how many things he ministered unto me at Ephesus, thou knowest very well. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. How somebody was there for him. He went to Indaba. Ici, on voit comment quelqu'un était là pour Paul. Amen. Amen. He was not ashamed of his going from one prison to another. Er hat sich dafür geschämt, dass er von Gefängnis zu Gefängnis gegangen ist. Ici, la personne n'avait pas honte que Paul partait en prison. The same 2 Timothy 4, verse 14. 2 Timotheus 4:14. Et 2 Timothée 4, verset 14. He's mentioning somebody's name here again, Alexander. Hier nennt er auch einen Namen, Alexander. Ici, Alexander. And he even talks about his job. Alexandre est aussi mentionné. Alexander, you mean? This copper smith did me much evil. You see there. Alexander, der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Ici, 14, on dit Alexandre le forgeron a très mal agi à mon. How they do us more evil today? Genauso wie sie uns hier noch, wie sie uns heute noch viel mehr Böses antun. Et chez nous aussi, on nous fait aussi du mal de plus. Paul experienced it also. Paul hat das erfahren. Et Paul a fait aussi la même expérience. He said the Lord reward him according to his works. Praise the Lord. Amen. Amen. All of us know Barbara in this ministry. Wir alle kennen Barbara in dieser Gemeinde. Tout le monde connaît Barbara ici dans cette église. And so many of us, some of us know the family. Und einige von uns kennen die Familie, die natürliche Familie von ihr. Il y a aussi des gens qui connaissent aussi sa famille. Her mother and her sisters. Ihre Mutter und ihre Schwestern. Sa mère et ses sœurs. You know, they take each other's boyfriend. Und sie nehmen sozusagen die Freunde aus. Et puis on peut dire aussi que ils volent aussi leurs copains. And she came, she thought that is also what we do here. Und sie ist in diese Gemeinde gekommen und hat gedacht, dass das hier in dieser Gemeinde auch so stattfindet. Et puis elle pensait aussi que dans cette église on le fait aussi comme ça qu'on vole les. Oui. You know, here we don't have boyfriend, we don't have girlfriend, we have brothers and sisters. Gibt es das Konzept von Freund und Freundin nicht? Hier haben wir Brüder und Schwestern. Mais ici, il n'y a pas ce concept parce qu'il y a seulement frères et sœurs. You remember what happened to one of the sisters? Amen. They were fighting over a boy. You know, that could not leave her mind. She thought that is the same thing we are doing here. We don't do that here. This is the house of Jesus Christ. Und wir erinnern uns, dass in ihrer Familie diese Dinge auch passiert sind, dass Geschwister sich gestritten haben wegen einem Mann. Aber das passiert in dieser Gemeinde, passiert sowas nicht. Et Barbara a fait l'expérience que ses sœurs s'est disputé à cause des hommes. Mais ici dans cette église, il n'y a pas ça parce qu'il y a seulement des frères et sœurs. She refused to leave her. Sie hat sich geweigert, alles für Jesus Christus zurückzulassen. Et elle a refusé de tout quitter pour Jésus. Das vergangene Leben wollte sie nicht zurücklassen. Et elle n'était pas prête de quitter son ancienne vie. Amen. How she and her sisters, you know, we are kidnapping their boyfriend and their, you know, boyfriends one after the other. You know, she refused to leave all because of that. You know, we know what is happening today. Und weil sie halt gedacht hat, dass das System, wie es in ihrer Familie war, dass man sich gegenseitig den Freund ausgespannt hat, dass es halt hier auch stattfindet, konnte sie dieses Prinzip nicht loslassen. Et parce qu'elle a fait la même expérience comme dans sa famille que les copains ont été, disons, volés. Elle pense aussi que c'est aussi comme ça ici dans cette église. Elle n'était pas prête à quitter ses pensées. And that's why it's so dangerous if we keep on looking back. Deswegen ist es gefährlich, wenn wir immer wieder zurückschauen. Et c'est ça pourquoi c'est dangereux quand on regarde toujours derrière. If we keep on moving, have a relationship with those we left behind. Wenn wir immer wieder Beziehung haben mit den Leuten, die wir zurückgelassen haben. Et c'est dangereux quand on continue d'avoir des relations avec les gens que nous avons quittés pour Jésus-Christ. I thank God for Abraham. Ich danke Gott für Abraham. Mais je remercie Dieu pour Abraham. In Hebrew 11, verse 15, it said his mind was not full of the past. If not, he could have returned. In Hebräer 11 lesen wir, dass seine Gedanken waren nicht voll von der Vergangenheit. Weil wären seine Gedanken voll von der Vergangenheit, wäre er zurück zu seiner Vergangenheit gegangen. Et Abraham, s'il était toujours plein de son passé, là, il voulait aussi être capable à rentrer au passé. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 15 of Hebrew 11. Hebräer 11, 15. It said, I'm truly, verset 15. If they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had an opportunity to have returned. Praise the Lord. Yeah. If you leave something behind, don't go there. Wenn du etwas zurückgelassen hast, lass nicht zu, dass deine Gedanken wieder zurück dorthin gehen. Amen. Et quand tu quittes quelque chose pour Jésus-Christ, ne laisse pas tes pensées retourner à ce que tu as laissé pour Jésus-Christ. Your relationship with them, those you left behind, let it be pure Christ. Hello. If not, it's a matter of time. Yeah. Lass zu, dass deine Beziehungen nur noch rein Christus sind, weil sonst es ist nur eine Frage der Zeit, bis man wieder zurückgehen wird. Et toutes tes relations doivent maintenant être basées sur Jésus-Christ, sinon ça va plus, ça va pas traîner jusqu'à ce que tu rentres. You are going to live their life. Sonst wirst du ihr Leben führen. Sinon tu vas vivre leur vie. Das ist eine Frage der Zeit. C'est une question du temps. For things to be corrupt, it's more easier for things to be repaired. Es ist einfacher, dass Dinge verunreinigt werden, als dass sie repariert werden. C'est plus facile que quelque chose soit abîmé, que quelque chose soit réparé. Praise the Lord. Alléluia. Philippiens 3. Philippiens 3. Philippiens 3. Verse 13. Philippiens 3, 13. 3, verset 13. Praise the Lord. Alléluia. It said, brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do. Forgetting those things which are behind. Amen. And reaching forth unto those things which are before. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see how they were able to make it? Bitte, wie sie in der Lage to follow Christ to the end. Christus bis zum Ende zu folgen. Never to go to the past. Und nicht mehr zurückzugehen. Et dans verset 13, on voit pourquoi les gens étaient capables à suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin, parce qu'ils n'ont pas pensé au passé. Praise the Lord. Hallelujah. Paul said, one thing I do. Never to look back. Nicht mehr zurückschauen. Amen. Go to Luke 9. Lukas 9. Et c'est très important de ne plus retourner à ce que tu as laissé. Lukas 9. Luke 9. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 9. From verse 57. Lukas 9, 57. To the end. Luke 9, verset 57 jusqu'à la fin. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, foxes have holes, and birds of the air have nets. But the Son of Man hath not where to lay his head. You know, if you follow Jesus Christ, Jesus a day may come that you don't even have any place to sleep. Are you ready einen to, Tag, an dem du to go through that? Manchmal einen Schlafplatz haben wirst, bist du in der Lage, das durchzumachen? Et quand tu suis Jésus-Christ, tu peux aussi être dans une situation où tu n'as même pas une place pour dormir, mais est-ce que tu es prêt à continuer à suivre Jésus-Christ? Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. You know, future should not even bother you. Die Zukunft sollte dir keine Angst machen. Et l'avenir ne doit pas te faire peur. How things are going to work should not bother you. Die Dinge verlaufen werden, sollte dir keine Angst machen. Comment les choses vont fonctionner ou pas, ça doit pas être ton souci. Though you might not, it might, you don't even know how it is. Du weißt nicht, wie es sein wird. Wie es sein wird. Parce que tu sais. Your daddy know how it's going to be. Mein Vater weiß es. Amen. Même si tu ne sais pas comment ton avenir va être, ton père sait comment ça sera. Amen. The Jesus you are going to follow. He said, and Jesus said unto him, foxes have holes, the birds of the air have nets. But the Son of Man had nowhere to lay his head. Mm. I don't have any place, but follow me. Ich habe keinen Ort, aber folge mir, sagt Jesus. Dans verset 58, Jésus dit que je n'ai pas un endroit pour dormir, mais suis-moi. Just like he told Abraham. Amen. Abraham. He said to you, know, he said, go to a land, you know, live there and go. Gesagt, verlass diesen Ort. Abraham did not know the future. How day is going to be? If things are going to work at all, but he followed the voice. Aber er hat der Stimme geglaubt und hat ihr gehorcht. Et c'est comme c'est avec Abraham. Abraham a dit, Dieu a dit à Abraham de quitter son pays. Et puis Abraham ne savait pas où est-ce que la route va, va lui amener, non? L'amener, mais il était capable à croire Jésus, à croire Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. And he said unto another, follow me. But he said, Lord, suffer me to go and bury my father. Verse 60. Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go thou and preach the gospel of God. Leave, forget about the flesh. Vergiss das Fleisch. Follow the Spirit. Und folge dem Geist. Oublie la chair et puis suis l'esprit. Verse 61. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home, at my house. Abschied. People will say they have not make Abschied. Leute wollen, we don't need any Abschied. Wollen einen Abschied oder wollen nochmal ein letztes abschließender, keine Ahnung, einen Abschied haben mit der Vergangenheit. Aber du brauchst diesen Abschied von der Vergangenheit nicht, einen offiziellen Abschied von der Vergangenheit. Et ici on voit que les gens sont toujours, ils veulent toujours avoir des adieux, mais c'est pas important parce que tu dois toujours suivre Jésus-Christ. And Jesus said, verse 62, and Jesus said unto him, 62. No man having put his hand on a plow and looking back is fit for the kingdom of God. Mm. Because of Abshi, let me go and take Abshi. He said, praise the Lord. Wegen eines Abschiedes sagt er ganz klar, wer seine Hände am Steuer hat, aber die ganze Zeit zurückschaut, ist nicht tauglich für das Reich. Et verset 62 nous dit que quand, si tu veux suivre Jésus-Christ, mais tu regardes toujours derrière, tu n'es pas digne de suivre Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. It is so dangerous to look back. Es ist gefährlich zurückzuschauen. C'est très dangereux de regarder derrière. Praise the Lord. Oh, yeah. Let me repeat this again, please. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I want to repeat this again. Amen. Amen. That you bring somebody here in this ministry does not mean your husband. Dass du jemanden in die Gemeinde gebracht hast, heißt nicht, dass diese Person dein Ehemann ist. Oder dass diese Person eine Ehefrau ist. Et que tu as amené quelqu'un ici dans cette église, ça veut dire pas que cette personne est ta femme ou bien ton mari. Let your focus be Christ. Lass zu, dass dein Fokus auf Christus liegt. Laisse ta concentration être Jésus-Christ. We don't have boyfriend and girlfriend here. We have wir brothers and keine, sisters. Keine Freunde und Freundinnen, sondern Brüder und Schwestern. Nous avons pas des copains ou copines, nous avons des frères et sœurs. Amen. What about when you bring 10 boys? Will those 10 boys be your husband? Was, wenn du 10 Männer als Frau in die Gemeinde bringst, dann diese ganzen 10 Männer deine Ehemänner? Amen. Et quand, par exemple, tu amènes aussi 10 hommes ou bien 10 femmes ici dans cette église, tu vas marier toutes ces personnes-là? Take your focus away from people. Nimm deinen Fokus weg von Menschen. Lass zu, dass auf Christus liegt. Take your focus away from Nimm deinen Fokus weg von dem Fleisch. Enlève ta concentration sur les gens et puis mets ça sur Jésus-Christ. Amen. Amen. It is not my job to tell you who you are to marry. Es ist nicht meine Aufgabe, dir zu sagen, wen du heiratest. Ce n'est pas mon travail de te dire qui tu dois marier. Because I'm not after even anything of the flesh. Bei mir geht es nicht um das Fleisch. Parce que pour moi, il s'agit pas de la chair. Including marriage. Und das, dazu zählt auch Ehe. Et je parle aussi de mariage. Amen. Amen. My focus is so much of relationship with Christ. Mein Fokus liegt darauf, dass du eine Beziehung mit Jesus Christus hast. Mais ma concentration est que tu as une relation avec Jésus Christ. Amen. Amen. In Matthew 22, verse 30. In Matthäus 22, Vers 30. En Matthieu 22, verset 30. Jesus said there's no marriage in heaven. Sagt Jesus, es gibt keine Ehe im Himmel. Amen. Jésus Christ dit qu'il n'y a pas de mariage au royaume des cieux. Amen. Amen. We are after heaven. Wir sind hinter dem Himmel her. Nous sommes à travers. I am after heaven. Ich bin hinter dem Himmel her. Nous cherchons le royaume des cieux. You know, Christ himself said it in Colossians 3. He said, we are to be after heaven. Go to Colossians 3. Kolosser 3, da sagt Jesus, wir sollen hinter dem Himmel her sein. On doit en parler maintenant Colossiens 3, où Jésus-Christ nous dit d'être concentré sur le royaume des cieux. One, two, three. He said, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Amen. Praise the Lord. Amen. Allow your focus to be heaven. Lass zu, dass dein Fokus auf dem Himmel liegt, Christus. Amen. And not on the things on the earth. Und nicht auf die Dinge, die irdisch sind. Are you getting it? Et nous devons chercher les choses qui sont au ciel et pas les choses qui sont dans ce monde. And verse 3 says, for you are dead and your life is hid with Christ in God. Okay. Amen. Amen. Then in verse 4 it says, when Christ, who is our life, praise the Lord. Hallelujah. Christ is our life. Christ ist unser Leben. Le Christ est notre vie. You know, here we just read, it said we are to be after heaven. Hier steht, dass wir nach dem Himmel trachten sollen. Et ici, ça nous dit qu'on doit chercher les choses du ciel. Go to 1 John. 1 John 4. 1 Johannes 4. 1 Jean 4. First John 4, from verse 4. 1 Johannes 4, von Vers 4. 1 Jean 4, verset 4. Let me see. Yeah, from 4 to 6. Amen. He said, you are of God, little children, and have overcome them. Because greater is he that is in you than he that is in the world. Amen. Amen. Amen. They are of the world. Therefore speak they of the world. Mm-hmm. Are you getting it? Mm. And the world heareth them. Are you getting it? Mm. Then he now talk about you. He said, we are of God. Amen. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Mm. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Look at here is talking about trust. Il est son vertrauen. Ici ça parle de la confiance. He said, we are verse 6 again. Look at six. We are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. You know, until somebody is in the spirit, he cannot even trust you. Wenn jemand nicht im Geist ist, kann er dir nicht vertrauen. Jusqu'à ce que quelqu'un est dans l'esprit, c'est là où il peut te faire confiance. For somebody to trust me, you have to be in the spirit. Um mir zu vertrauen, musst du im Geist sein. If you are in the flesh, you cannot trust me. Wenn du nicht im Geist bist, kannst du mir nicht vertrauen. Et pour quelqu'un me faire confiance, cette personne doit être dans l'esprit, sinon elle ne peut pas me faire confiance. Praise the Lord. Hallelujah. We are of Christ. And verse 6 said, if you are in the spirit, then you can trust us. Und Vers 6 sagt, wenn du im Geist bist, kannst du uns vertrauen. Then you can know us. Dann kannst du uns then you can trust us. It's what you know, you can trust. Yeah. Du kannst nur das dem Vertrauen schenken, dem, was du kennst. Et verset 6 nous dit que tu peux nous faire seulement confiance si tu nous connais. He said, I said you are in the spirit. You cannot know us. Wenn du nicht im Geist bist, wirst du uns nicht erkennen können. Jusqu'à ce que tu es dans l'esprit, tu ne vas pas être capable à nous connaître. You cannot trust us. Kannst uns nicht vertrauen. Tu ne vas pas être capable you à nous faire confiance. Trust the true God children if you are not in the spirit. Du kannst den wahren Kindern Gottes nicht trauen, wenn du im Geist bist. Si tu n'es pas dans l'esprit, tu ne vas pas faire confiance aux vrais enfants de Dieu. It's, I don't know if somebody is getting it. For somebody to trust you, that person has to be in the spirit. If not, if he is in the flesh, he can never trust. Im Fleisch ist, kann sie nicht vertrauen. Amen. Pour que quelqu'un te fait confiance, cette personne doit être dans l'esprit. Sinon, si non, si elle te fait pas confiance, là, elle n'est pas aussi dans la dans l'esprit. You know, the Jews, they never trust Jesus. Die Juden haben they did not trust Jesus him vertraut. Because they were always in the flesh. Weil sie immer im Fleisch waren. Et les Juifs, ils ont jamais fait confiance à Jésus-Christ parce qu'ils étaient toujours dans la chair. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In John 10, let's quickly go to John 10. Johannes let me see where, what the time. Oh, it does come. Praise the Lord. Hallelujah. John 10. John 10. John 10, 25 to 29. Johannes 10, 25 bis 29. John 10, verset 25 à 29. Jesus answered them, I told you, and you believe not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Verse 26. But you believe not because you are not of my sheep. As I said unto you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Praise the Lord. Hallelujah. They were not able, no, they did not trust Christ. Sie they did Christus not trust vertraut. Jesus. Sie haben because Jesus they don't even know him. Weil sie nicht erkannt haben. Et les Juifs n'ont pas fait confiance à Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. You cannot trust somebody you don't know. Du kannst niemandem vertrauen, den du nicht kennst. Tu peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Amen. He said, verse 28, and I give unto them eternal life, 28. And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Verse 29. Verset 29. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Go to John 8. Johannes 8. Jean 8. Verse 46 and 47. 46 and 47. 46 and 47. He said, which of you convinced me of sin? And if I say the truth, why do you not believe me? Amen. Amen. He that is of God heareth God's words. If you are of Christ, you will trust me. Wenn du von Christus bist, wirst du mir vertrauen können. Si tu appartiens à Christ, tu vas me faire confiance. You therefore hear them not, because you are not of God. You cannot trust me. If you are not of Christ. Du kannst mir nicht vertrauen, wenn ich von Christus bist. Tu ne peux pas me faire confiance si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You are of the flesh. You are of your father, the devil. The flesh can... Okay. Merci. You are of the flesh. So, ich dachte, du liest. No. Du bist vom Fleisch. Tu es de la chair. Praise the Lord. Hallelujah. You are of the flesh. Du bist aus dem Fleisch. Tu es de la chair. You are of your father, the devil. Du bist von deinem Vater, dem Teufel. Tu es de ton père, le diable. The flesh cannot trust the spirit. Das Fleisch kann dem Geist nicht vertrauen. La chair ne peut pas faire confiance so also, the spirit cannot trust the flesh. Und genauso kann das der Geist dem Fleisch nicht trauen. Comme ça aussi, l'esprit ne peut pas faire confiance à la chair. You know, in this ministry, some are still like the Pharisees. In dieser Gemeinde sind noch einige Leute, so wie die Pharisäer. Et dans cette église, il y a quelqu'un parmi nous qui sont aussi comme des Pharisiens. They question or doubt anything coming from Christ. Sie hinterfragen alles, was von Christus kommt. Et ils doutent tout ce qui vient de Jésus-Christ. Remember the Pharisees, you know, the Jews. How they were, you know, anything coming from him, they were all, it was always attacked. Wir erinnern uns an die Pharisäer, dass alles, was aus ihnen kam, waren immer Angriffe. Et c'est comme aussi avec les pharisiens envers Jésus-Christ, ils ont toujours douté et attaqué ce que Jésus-Christ a dit. Und das sehen wir auch heutzutage et noch. On le voit aussi aujourd'hui. Praise the Lord. Hallelujah. The question I always ask, what are they doing here? Die Frage, die ich mir stelle, was tun sie hier? Ma question ist, qu'est-ce qu'ils font ici? If you cannot believe Christ, what are you doing here? Wenn du Christus nicht glauben kannst, was tust du denn hier? Si tu peux pas faire confiance à Jésus-Christ, qu'est-ce que tu fais ici? Amen. Amen. I cannot continue to live with somebody that I cannot, that I cannot even believe. Ich kann nicht weiter mit jemandem zusammenleben, dem ich nicht glauben kann. Je ne peux pas continuer à vivre avec quelqu'un que je ne crois pas. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No one can trust us except they are in the Spirit. Niemand kann uns vertrauen, sei denn man ist im Geist. Amen. Amen. Those in the spirit, we know that we are going to choose Jesus. Leute, die im Geist sind, wissen, dass wir Jesus Christus wählen. Et les gens qui sont dans l'esprit, ils sachent que on va choisir Jésus-Christ. We cannot trust you because you keep on choosing the flesh. Aber wir können dir nicht vertrauen, weil du immer wieder das Fleisch wählst. On peut pas te faire confiance parce que tu choisis toujours la chair. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. I am not after the flesh. Aber ich bin nicht hinter dem Fleisch her. Je ne cherche pas so le also chair. Is Jesus. Genauso ist Jesus Christus. C'est comme ça, c'est he Jesus was Christ. Never after the flesh. Er war nie hinter dem Fleisch her. Il n'avait jamais cherché. Amen. Le chair. We quickly go to one or two places, then we close. Go to Luke 12. Lucas 12. Luke 12. Luke 12. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 12, verse 13. Lukas 12, verse 13. Ab 13. And 14. 13 und 14. Luke 12, verse 13 à 14. And one of the companions said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me. Praise the Lord. Hallelujah. You know, you can see, you know, he's so different. Jesus so anders. You know, people will jump and quickly say, okay, let me do it. But Jesus, for him, it's not about the flesh. It's about the spirit. I know my job. Leute wollen sich wichtig machen und springen einfach dazwischen, wollen reden, aber ich kenne meine Aufgabe. Jesus kannte seine Aufgabe. Dans verset 13, on voit la différence avec Jésus-Christ et l'homme, parce que l'homme est toujours vite à agir dans la chair, mais Jésus-Christ, il est toujours dans l'esprit. Et moi, je connais aussi mon travail. Don't tell people what to do. Sag les Leuten nicht, was sie zu tun haben. Gib ihnen nur Christus. Amen. Et ne dis pas les gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais donne-le Jésus-Christ. Amen. Don't tell them what to do. Sag Sag Leuten nicht, was sie zu tun haben. Dirige pas la vie des gens. Direct them to Christ. Verweise sie auf Christus. Dirige-le vers Jésus Christ. Amen. Amen. Amen. You know, Jesus did it with John the Baptist. He did not strike John the Baptist. You know, he directed John the Baptist to the scripture. Er hat Johannes den Täufer auch direkt zur Schrift verwiesen. Refer him to the scripture. What is in the scripture? What is in the truth? Was steht in der Schrift? Are you getting it? Et dans la situation avec Jean-Baptiste, c'est Jésus-Christ a aussi référé Jean à la parole de Dieu, à l'écriture de Dieu. And one of the companions said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. Praise the Lord. Verset 13. Hmm. You know, I spoke with my sister in Canada today, and I refer her to this very place we spoke of here. Ich habe mit meiner Schwester heute gesprochen und ich habe sie auf diese Stelle hier verwiesen. Et aujourd'hui j'ai parlé avec ma sœur de Canada, mais je l'ai référé toujours ici sur à Luc 12 verset 13. Before this time she hardly listened, but now she's listening. She paying attention when I'm speaking. Vorher hat sie nicht wirklich zugehört, aber jetzt hört sie mehr zu als vorher. Et avant, quand j'ai prêché, elle ne voulait pas m'écouter, mais maintenant, elle attend ce que je dis. It is not about the flesh, but the spirit. Es geht nicht um das Fleisch, sondern den Geist. Il ne s'agit pas de la chair, mais de l'esprit. We don't fight like religious people. Wir kämpfen nicht wie religiöse Menschen. On ne combat pas comme les gens. Don't cut the tree, don't beat the tree, don't beat the animal, don't beat the dog. Don't abort, don't kill children, don't do that. It's not your job. Wir gehen nicht auf die Straßen und protestieren gegen verschiedene Dinge gegen, und kämpfen für die Natur, kämpfen für Kinder oder kämpfen für Sonstiges. Und wir predigen das Wort Gottes. Amen. Amen. Et nous ne sommes pas comme les gens religieux qui sont toujours en train de combattre contre les choses de ce monde. Comme par exemple de ne pas tuer les animaux ou bien de détruire les arbres. Nous ne sommes pas là. You know, they don't abort, they don't go to, they don't kill their children, they don't kill animals, they don't beat dogs, they don't cut trees, they don't, you know, that does not mean they are safe. Aber nur weil Menschen, they go to hell with all they are not doing. Nur weil Menschen nicht homosexuell sind oder nicht abtreiben oder nicht, nicht Tiere töten, nicht Bäume fällen oder nicht Fleisch essen, heißt, dass sie errettet sind. Sie gehen mit all diesen Werken in die Hölle ohne Jesus. C'est vraiment parce que les gens sont contre l'homosexualité ou bien par exemple aussi l'avortement. L'avortement, ça veut dire pas qu'ils vont être au royaume des cieux. And verse 47, and he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? Amen. Amen. I know my job. Ich kenne meine Aufgabe. That's not my job. Das ist nicht meine Aufgabe. Et Jésus dit ici à verset 13 que moi je connais mon travail, cela c'est pas mon mon travail. This ministry, we are not after marriage, we are after Christ. Diese Gemeinde geht es nicht um Ehe, sondern um Christus. Amen. Our focus is Christ. Unser Fokus liegt auf Christus. Dans cette église, il s'agit pas de mariage, mais il s'agit seulement de Jésus-Christ et va continuer à être Jésus-Christ. Und wird weiterhin auf Christus basieren. Amen. Et ça va, ja, hab schon gesagt. You can see that Jesus refused to settle two brothers fighting over their father's inheritance. Wir sehen, dass Jesus sich geweigert hat, zwischen zwei Leuten in Streitschlichter zu spielen. Et ici, on voit que Jésus-Christ a refusé d'être le juge entre deux frères. Christ is our example. Christ ist unser Vorbild. Jésus-Christ est notre exemple. So also Paul is our example. Genauso auch Paul ist unser Vorbild. So comme ça aussi Paul est notre exemple. Paul did not tell anybody who he or she is to marry. Paul hat niemand gesagt, wen heiraten soll. Et Paul a jamais dit que qui on doit marier ou pas. Amen. Amen. My job is not to help you. You know, it's not. So let me bring it down this way. You know, my job is to bring you to Christ, to help you to know Christ. Meine Aufgabe ist es, dass du Christus kennenlernst. Christus predigen. Just like Paul said in 1 Corinthians 1:17. Let's go there. So wie Paulus es sagt in 1. Korinther 1:17. Look at what Paul called his job. Mon travail est à t'aider d'avoir une relation avec Jésus-Christ. C'est comme ça aussi Paul a dit ça dans 1 Corinthiens 2. 1:17. Praise the Lord. Hallelujah. Look at it, verse 17. Verse 17. He said, "For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect." Amen. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Amen. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, et cela sans utiliser les langages de la sagesse humaine, afin de ne pas priver de son pouvoir la mort du Christ sur la croix. Praise the Lord. Amen. Christ sent me to preach the gospel. Christus hat mich gesandt, das Evangelium zu predigen. Et Jésus-Christ m'a envoyé de prêcher la bonne nouvelle. Praise Jesus. Amen. Another of Christ's principle is belief. Ein anderes Prinzip von Christus ist zu glauben. Amen. Un autre principe de Jésus-Christ est la foi. Et quand c'est même le dimanche, on va continuer à parler de ça. Praise the Lord. Hallelujah.